Je suis sur une voie d'insertion sur une autoroute. Dans cette situation, je dois prendre en compte deux indices qui s'opposent au dépassement. Le poids lourd a mis son clignotant et il chevauche déjà la ligne qui délimite la voie d'insertion. Il va en sortir. Et j'aperçois dans le rétroviseur une voiture qui occupe la voie la plus à gauche. Il est donc impensable d'utiliser l'une ou l'autre de ces voies pour dépasser le camion. Je reste derrière le camion et je patiente. Réponse B et D.